De chute dans ma boîte de réception. Et ce message. Non. Un carton. Voyons, voyons. Tiens. Une fuite. Et nous vont vite. Aujourd'hui même. Fantastico. Qui s'y cache? Qui est-ce? C'est lui, c'est sûr. Mon aimant désiré. Thank you. Je souvent rêvais de porter la moustache.